بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous commençons aujourd'hui le livre du jugement, Kitab al-Qada. Alors que nous avions terminé, durant le cours dernier, le livre des crimes, Kitab al-Jinayat. Le livre du jugement qui parle des règles du jugement en islam, qui est apte à juger, quelles sont les caractéristiques du juge, et comment le juge doit-il appliquer les sentences et quels moyens sont reconnus islamiquement en termes de preuves, etc. etc. Kitab al-Qadha. Al-Qadha en arabe signifie le fait de maîtriser quelque chose ou bien de le terminer. Le fait de terminer une chose, comme a dit Allah Azza wa Jal, فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَقَضَاهُنَّ. Allah Azza wa Jal a terminé la création des sept cieux au bout de deux jours. Et ces deux jours, comme cela est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient le jeudi et le vendredi. Et c'est le vendredi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam. Dans ce verset, Allah azza wa jalla dit faqadahun, du verbe qada, c'est-à-dire qu'il a terminé leur création et qu'il les a créés de façon parfaite. Faqadahun sab'a samawatin fi yawmayn. Et quant à la définition du terme qada, c'est-à-dire le jugement en islam, هو تبيين الحكم والإلزام به. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. C'est-à-dire, le jugement en islam signifie le fait de montrer un jugement, c'est-à-dire sur un fait ou un cas précis qui a été exposé au juge. Al-Qadha, le jugement, c'est le fait de donner un avis juridique sur ce cas qui a été exposé et de l'imposer. Et de l'imposer. Et c'est justement ce qui fait la différence entre un qadi et un mufti. C'est ce qui fait la différence entre un qadi, un juge, et un mufti, c'est-à-dire un savant à qui on a posé une question et qui répond. Car la différence entre les deux, c'est que la parole du juge et ce qu'il aura prononcé devra obligatoirement être mis en application. Si des personnes se plaignent chez un juge musulman, par exemple sur le partage d'un héritage, le cas va être exposé au juge, et lorsque le juge aura proclamé et donné sa réponse, il sera obligatoire pour ceux qui sont venus exposer ce fait d'appliquer ce que le juge a dit de faire. Et le juge aura le droit, si cela n'est pas appliqué, d'engager des poursuites auprès des autorités. Car le juge est une autorité. Le juge, c'est une personne qui est désignée par le gouverneur musulman. C'est le gouverneur musulman qui décide et qui instaure les juges, l'instance juridique. Et cette instance a un pouvoir que n'a pas le mufti. Quant au mufti, si tu vas poser la question sur cette même problématique dans l'héritage à un savant, il va te donner la réponse en t'apportant les preuves dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que cet avis, tu dois l'appliquer obligatoirement? Oui ou non? Oui ou non? S'il y a la preuve, si le savant te dit la preuve c'est ceci, le frère doit avoir tant, la sœur doit avoir tant, etc., etc. Et la preuve c'est le verset d'Allah et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu dois l'appliquer ou pas? Non. Oui. Quelle est donc la différence entre le juge et le mufti? C'est que le juge t'est obligé, il t'oblige à le faire et le mufti donne la vie, c'est le conseil. Non, donc c'est à toi de suivre la vérité. Le suivre la vérité c'est une chose qui est obligatoire. Pour tout musulman, même pour tout être humain, quel que soit le sujet, quel que soit le cas. Mais la différence entre le mufti et le juge, c'est que le juge peut faire pression sur toi, peut te l'ordonner officiellement au nom de l'État, au nom du gouverneur. Et si tu ne le fais pas, tu es susceptible d'avoir des représailles, soit des amendes, soit des peines d'emprisonnement, etc., etc. Donc c'est la différence entre les deux. Et c'est pour cela aussi que, pour montrer aussi la différence entre le qadi, le juge et le mufti, c'est que le juge n'a pas le droit de prononcer un jugement en l'absence des intéressés. Par exemple, si un frère va se plaindre au juge en disant voilà ce que mon frère a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà le partage comment il s'est passé, mais je me plains car je n'ai pas eu ma part, etc. Le juge a-t-il le droit de dire bon, le jugement est ci et ça, tu diras à ton frère qu'il devra faire ci et ça? Non. Pourquoi? Car dans un jugement, les intéressés doivent être présents. Et le juge n'a pas le droit de prononcer un jugement sans la présence de tous les intéressés. Pourquoi? Car chacun a le droit d'exprimer son avis, chacun a le droit d'exposer les faits selon sa vision, et c'est au juge d'écouter les uns et d'écouter les autres et de trancher. Par contre, ce même frère a le droit de poser la question à un savant, même si son frère n'est pas présent. Et c'est aussi une des différences entre al-ifta et al-qada, entre le fait de répondre à une question et de juger. C'est que le jugement doit se faire toujours avec la présence des intéressés, et la fatwa, elle peut se faire que l'intéressé soit présent ou qu'il ne le soit pas. Comme a dit le mu'allif, c'est-à-dire le fait que le jugement en islam est quelque chose de légiféré. Al-qada'u mashru'un bil-kitabi wa sunnati wa ijma'il ummah. قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله وقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. حديث متفق عليه. Donc le jugement est quelque chose de légiféré dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à l'unanimité de la communauté musulmane. Allah azza wa jalla a dit dans sourate al-Ma'idah, et juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, et juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, qui est Al-Qur'an. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Sad, en s'adressant à Daoud alayhi salam, ô Daoud, nous avons fait de toi un calife sur terre. Juge donc en toute équité, c'est-à-dire en toute justice parmi les gens. Juge donc en toute justice parmi les gens. Et selon Abdullah et selon Amr Afwan ibn al-As, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsqu'un juge donne son jugement, fajtahada, et a fait l'effort de rechercher dans son jugement la vérité, puis a atteint cette vérité, alors il aura deux récompenses. Et s'il juge en recherchant la vérité, mais en se trompant, alors il aura une seule récompense. Et c'est un hadith apporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le professeur Hassan a dit « Idha hakama al-hakim » lorsque le juge donne son jugement. Et ici, le juge, c'est-à-dire qu'il juge sur un cas. Et les savants disent que ce hadith du professeur Hassan est général. C'est-à-dire qu'il englobe à la fois celui qui juge entre les gens et celui qui juge entre des personnes qui sont en conflit. Car un juge, quand est-ce qu'on a recours à lui ? Quand il y a des litiges, quand il y a des conflits entre les personnes. C'est là où, pour trancher, il faut aller se plaindre à un juge. Et il y a le fait de juger entre les gens, c'est-à-dire de leur montrer la vérité. De leur montrer la vérité. Et cela est fait le plus souvent par les savants. Et cela est fait le plus souvent par les savants. Donc ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe à la fois les gens, à la fois les juges et à la fois les savants. Pour cela que beaucoup de savants utilisent ce hadith pour dire qu'un savant qui a atteint un haut niveau de science et qui est une référence dans notre religion, lorsqu'il répond à une question, c'est-à-dire lorsqu'il donne une réponse sur une situation qui lui a été exposée, qui n'a pas de réponse directe dans le livre d'Allah, ni de réponse directe dans la sunna du prophète sallam, ni de réponse directe d'après les paroles des compagnons et des tabi'in, mais que c'est un fait qui a eu lieu et qui n'a pas existé auparavant, et que ce savant, d'après la science qu'il a apprise et d'après la science qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordée, a fait un effort de réflexion et a exposé ou a appliqué ce qu'il sait du Coran et de la sunna du professeur Hassan sur ce cas et a donné sa réponse. Si, comme c'est l'Allah, s'il a eu raison dans sa réponse, alors il aura deux récompenses. La récompense de l'effort d'avoir recherché la vérité et la récompense d'avoir trouvé la vérité. Quelqu'un peut dire, mais pourquoi est-ce qu'il est récompensé d'avoir trouvé la vérité alors que normalement c'est ce qui est demandé à un savant? Un savant ne doit-il pas montrer la vérité? Ah, pourquoi? C'est comme si on récompensait quelqu'un qui faisait son travail. C'est logique de récompenser quelqu'un qui fait son travail. Dans la logique, c'est logique ou pas? Non? Et un issue qui a son salaire, il a son salaire. On ne va pas le rétribuer parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. En général, on donne une récompense à celui qui a bien fait son travail. À celui qui a fait même plus que ce qu'il devait faire. Mais les savants ont répondu en disant que, bien au contraire, il sera récompensé aussi pour avoir trouvé la vérité, car en ayant trouvé la vérité, celle-ci sera appliquée. En donnant la vérité, et en donnant un jugement, les personnes derrière ne vont-ils pas le mettre en pratique? Donc ceci est un bien. Et il sera récompensé pour cela. Et lorsqu'il donne un jugement, donc on a dit que cela concerne les savants et les juges. Donc le juge, lorsque un conflit lui est exposé, il écoute les deux parties. D'accord? Il écoute les deux parties, puis tranche. Et les juges, yani, diffèrent les uns des autres. Il doit trancher. Il peut trancher de suite si c'est un sujet qu'il maîtrise parfaitement. Si c'est un sujet qu'il n'a pas l'habitude de traiter ou qui demande mûre réflexion, le juge a le droit de prendre un délai et de faire des recherches dans le livre d'Allah et dans la sunna du professeur et dans les paroles des savants pour donner sa réponse et pour donner son jugement. S'il fait une erreur, est-ce que cela est considéré comme un péché pour le juge et le savant? Non, ce n'est pas considéré un péché. Pourquoi? Car il a fait l'effort, comme l'a dit le prophète, il a fait l'effort de donner la réponse, et si il s'est trompé, il ne l'a pas voulu. Pour lui, c'était la vérité. Et pour lui, c'était ce qu'il fallait répondre. Donc, il ne peut pas, on ne peut pas lui reprocher quelque chose qu'il ne sait pas, et bien au contraire, qu'il considère comme étant vrai, tout en étant juge et tout en recherchant la vérité. Donc de ce hadith, on en déduit que le juge doit et le savant doivent faire des recherches et doivent fournir tous les efforts nécessaires pour rechercher la vérité. Et on en déduit aussi de ce hadith que la vérité est unique. Que la vérité est unique. Car certains disent, de toute façon, il y a une divergence des savants sur ce sujet, ils ont tous raison. Cela est faux. Ils n'ont pas tous raison. La vérité est unique. Certes, ils seront tous récompensés en fonction de la réponse qu'ils ont donnée et si cette réponse est conforme à la vérité ou non. Donc oui, ils seront tous récompensés. Certains, un seul parmi ces savants aura deux récompenses et les autres n'en auront qu'une. Mais la vérité est unique. Et donc, l'auteur a dit également que les musulmans sont unanimes sur le fait que le jugement en islam est quelque chose de légiféré. Hukmuhu, le jugement, c'est-à-dire du jugement. Wa huwa fardu kifayatin. ويجب على الإمام أن يعين في البلاد حسب حاجتها من يحكم بينهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس وبعث عليا إلى اليمن للقضاء وحكم الخلفاء الراشدون وولوا القضاء في الأمصار. Le jugement est un fard kifai, c'est-à-dire que lorsqu'une partie de la communauté le met en pratique, cela n'est pas obligatoire pour le reste des musulmans. Autrement dit, de juger, ce n'est pas une obligation pour tous les musulmans, mais c'est une obligation pour une partie d'entre eux. Et il est obligatoire au gouverneur, pour le gouverneur, de désigner dans son pays, selon le besoin, des personnes qui vont juger, c'est-à-dire des juges. Car le prophète sallam a jugé entre les gens et il a envoyé Ali radiallahu anhu au Yémen pour juger. Et ces califes bien guidés radiallahu anhum, eux aussi ont jugé et ils ont envoyé des juges dans les différents pays qu'ils avaient sous leur autorité. Fadluhu, les mérites du jugement. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه. Les mérites du jugement, selon عبد الله بن مسعود, il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, point de jalousie sauf pour deux personnes. Un homme à qui Allah Azzawajal a accordé des biens, c'est-à-dire de l'argent, qu'il a utilisé, qu'il a dépensé dans la vérité. Et un homme à qui Allah a accordé la sagesse. Il juge avec celle-ci et l'enseigne. Il juge avec celle-ci et l'enseigne. Dans ce hadith, le professeur Hassan me dit point de jalousie. Et ici, Al-Hasad, comme vous le savez tous, ce qui est voulu dans ce hadith, c'est ce que les savants appellent al-ribta, c'est-à-dire de vouloir le bien de quelqu'un sans pour autant espérer que ce même bien lui soit ôté. Sans espérer que ce même bien lui soit ôté, et c'est ce qui est appelé en arabe al-ribta. Et celle-ci est autorisée dans tous les cas. La jalousie qui, elle, est interdite, c'est le fait de jalouser son frère, à savoir de vouloir ce qu'il a tout en espérant que ce bien lui soit ôté. Tout en espérant que ce bien lui soit ôté, et ceci est interdit en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Point de ribta, sauf concernant deux personnes ». On peut comprendre de ce hadith que la ribta, c'est-à-dire de vouloir le bien de ton frère sans pour autant espérer que ceci lui soit enlevé, on peut comprendre que cette ribta est autorisée uniquement dans deux cas. Or, il ne faut pas comprendre le hadith ainsi. Ici, le professeur Asselam a cité les deux cas qui méritent le plus d'être suivi par une ribta. Et cela ne veut pas dire que la ribta est restreinte à ces deux cas. Le premier de ces cas est un homme à qui Allah Azzawajal a accordé de l'argent, accordé de la richesse, qu'il dépense dans la vérité et dans le bien. Qu'il dépense dans la vérité et dans le bien. Et la meilleure chose dans laquelle le musulman peut dépenser son argent, c'est quoi ? Non ? C'est dans sa famille. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des biens que tu peux dépenser, c'est le bien que tu dépenses pour ta famille. Et un homme à qui Allah Azzawajal a accordé la sagesse. Et ici, la sagesse, les savants disent que c'est la science, l'ilm. Et dans une autre version d'Abdullah ibn Umar, il a été dit que c'est le Coran. Et il n'y a pas de contradiction entre ces deux versions, car la tête de la science, c'est Al-Qur'an. Car la tête de la science, c'est le livre d'Allah. Donc, un homme à qui Allah Azzawajal a accordé la science, avec laquelle il juge. Avec laquelle il juge. Donc cela concerne qui ? Yaqdi. Le qadi est le juge. Wa yu'allimuha. Et qu'il enseigne. Et cela concerne les savants. Khataru. Le danger du jugement. Donc ce jugement a des mérites, mais en même temps c'est un danger. Selon Abdullah, selon Abu Huraira, an Abi Huraira ta'ani Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal: "Man ju'ila qadiyan bayna an-nas faqad dhubiha bighayri sikkin." Hadith sahih rawahu Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qu'on a désigné comme juge, c'est-à-dire pour juger entre les gens, alors il a été égorgé sans couteau. Il a été égorgé sans couteau. Et c'est un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Comment rassembler ces deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Le premier qui nous parle des mérites de juger, et que si on veut espérer le bien de quelqu'un sans que ce bien ne lui soit enlevé, alors il faut l'espérer d'une personne à qui Allah Azza wa Jalla a accordé la science avec laquelle il juge. Donc, espérer être un juge. Et dans ce hadith, le second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qu'on a désigné, c'est-à-dire que le gouverneur a désigné comme étant juge, il a alors été égorgé sans couteau. » Ça veut dire quoi, être égorgé sans couteau ? Comment, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Est-ce qu'on peut égorger sans couteau ou pas ? Oui ou non ? Non, on ne peut pas égorger sans couteau. Non ? Difficilement. Difficilement, très difficilement. On peut égorger avec un bout de bois ? Oui, on peut égorger avec un bout de bois si on l'aiguise, etc., si on le taille. Mais, à la kolehal, ce sera quelque chose d'extrêmement douloureux pour la personne qui subit ce genre de supplice. Et c'est ce que le professeur Sam a voulu dire par là, à savoir que d'être un juge est quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est quelque chose qui est très difficile et qui demande énormément d'efforts. Pourquoi ? Car un juge doit écouter les deux parties. Et en écoutant les deux parties, l'une jure qu'elle dit la vérité, et l'autre jure qu'elle dit la vérité. Et Annie, le savant, le juge, doit d'abord avoir la science du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il doit appliquer ce jugement, il doit aussi savoir déceler des menteurs parmi les plaignants. Et c'est l'une des plus grandes difficultés d'être juge, c'est, en fonction de ce que la personne dit, d'être sûr qu'elle ment. Et les juges, avec leur expérience, ont ce qu'on appelle al-farasa, la vivacité d'esprit. C'est-à-dire qu'en regardant une personne, et en voyant comment elle parle, en regardant sa gestuelle, il sait que c'est un menteur. Il va l'écouter, il va le laisser terminer son plaidoyer, mais c'est uniquement pour laisser la parole à chacun. Mais il sait d'avance, ou pendant que cette personne parle, que c'est un menteur, et que c'est l'autre qui a raison, et il jugera donc en conséquence. C'est quelque chose de très difficile, car il y a un autre hadith qui suit, à savoir que les gens, ou surtout les juges, sont peut-être les personnes les plus sollicitées en termes de pot de vin. C'est des personnes qui ont une pression énorme. Et ils doivent être justes dans leur jugement, que la personne soit pauvre ou qu'elle soit riche, que ce soit une personne proche de lui ou lointaine, il ne doit pas faire de différence. Et il ne doit pas suivre ses passions dans son jugement. D'accord ? Donc c'est pour cela que c'est extrêmement difficile d'être un juge, et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le juge, celui qu'on désigne comme juge, a été égorgé sans couteau. Donc on ne peut pas dire qu'il est déconseillé d'être un juge de façon formelle. De même qu'on ne peut pas dire qu'il est bien d'être juge. Mais, en fonction des situations, il est bien d'être un juge, voire même des fois obligatoire. Et dans d'autres cas, il est fortement déconseillé d'être un juge. Il est déconseillé d'être un juge lorsqu'il y a des personnes autres que toi qui sont plus aptes que toi à être juge. Dans ce cas, éloigne-toi de ce poste. Et ne l'accepte pas, car tu sais qu'il y a, dans le pays où tu vis, des personnes qui sont plus aptes que toi à l'être. Mais par contre, si le gouverneur te propose ce poste, et tu sais qu'il n'y a personne d'autre que toi, ou que tu sais qu'il y a des personnes mais qui n'ont pas la compétence que tu as, ou tu sais qu'il y a des personnes qui ont la compétence, mais qui ne sont pas corrects, qui ne sont pas sérieux, qui ont tendance à suivre leur passion, alors dans ce cas, tu dois accepter et prendre cette responsabilité, même malgré toi. Même malgré toi, et tu dois demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette tâche difficile. Wa an Abi Burayda, an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, قال Al-qada'u thalatha, اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار. حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه. السلام. Selon Abu Burayda, d'après le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit: les juges sont au nombre de trois. Deux sont en enfer et un est au paradis. Un homme qui a su la vérité et a jugé par celle-ci, il sera au paradis. Un homme qui a jugé entre les gens par ignorance, il sera en enfer. Et un homme qui a été injuste dans son jugement, il sera en enfer. Donc les juges ne sortent pas de ces trois catégories. Soit il connaît la vérité et juge par celle-ci. Et de ce hadith, on en déduit que le juge doit connaître la vérité. C'est-à-dire que ce doit être quelqu'un qui a de la science. Ce doit être quelqu'un, un homme qui connaît le livre d'Allah et qui connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car un juge, on peut lui exposer tout cas de figure. Ça peut être en rapport avec le divorce, le mariage. Ça peut être en rapport avec l'héritage. Ça peut être en rapport avec des sentences. Ça peut être en rapport avec l'adultère. Ça peut être en rapport avec le vol, avec le fait de consommer de l'alcool, etc., etc. Et un homme qui a jugé par ignorance, et ça c'est la pire des choses, de désigner un juge ignorant. C'est la pire des choses que tu puisses faire à une société musulmane et le pire des cadeaux que tu puisses faire à un homme. Et également, un homme qui a jugé injustement, qui a été injuste dans son jugement. C'est-à-dire que cet homme a de la science. Il connaît la vérité, mais pour une raison X ou Y, et la plupart du temps à cause des pots de vin, il a été injuste dans son jugement. Et lui aussi sera en enfer. Wal'iyadu billah. Al-Nahyu an talab al-qadra. L'interdiction de demander le poste de juge. عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. حديث رواه البخاري ومسلم. L'interdiction de demander le poste de juge. Selon عبد الرحمن بن سمرة, il dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: ô Abdurrahman, ne demande pas le pouvoir, car si on te le donne après que tu l'aies demandé, wukilta ilayha, c'est-à-dire que cela te sera, ou comme si cela te sera imposé, et Allah azza wa jal ne t'aidera pas dans cette tâche. Et si on te l'a donné sans que tu demandes, alors tu seras aidé dans celle-ci. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal t'aidera à mener cette tâche du mieux possible. Et ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdurrahman ibn Samurah: ne demande pas le pouvoir. Et ici, les savants disent que le pouvoir cité dans ce hadith concerne à la fois le grand pouvoir et le petit pouvoir. Le grand pouvoir qui est celui du gouverneur, et le petit pouvoir qui est en dessous de lui. Et parmi ces choses, il y a le fait d'être juge, car comme on l'a vu, le juge est une personne qui a un pouvoir. Il a le pouvoir d'imposer son jugement aux gens. Et le professeur Asselam a différencié celui qui la demande, celui qui demande le pouvoir, et celui à qui on donne le pouvoir sans qu'il ne l'ait demandé au préalable. Le premier qui aura demandé, Allah Azza wa Jalla ne l'aidera pas. C'est-à-dire que ce sera un fardeau pour lui. Et celui à qui on l'a donné, c'est-à-dire après avoir considéré que c'était la personne qui méritait le plus d'avoir ce poste, et que ce poste lui a été proposé et qu'il l'a accepté sans en avoir fait la demande au préalable, alors Allah Azza wa Jal l'aidera dans cette tâche. Et on peut utiliser ce hadith justement pour dire qu'il est interdit en islam de demander le pouvoir. Il est interdit en islam de se présenter à des élections présidentielles ou autres. En islam, on ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande. Comme l'a dit le professeur Hassan dans un autre hadith: inna la nuwalli ahadan sa'ala hadha al-amr aw harasa alayhi. Nous ne donnons pas le pouvoir à celui qui l'a demandé ou à celui qui l'a recherché. à celui qui l'a demandé et à celui qui l'a recherché. Que dire alors de ceux qui à la fois le demandent et le recherchent? Ils le demandent en se proclamant officiellement candidat à tel poste et ils le recherchent en faisant leur campagne à droite et à gauche et en faisant espérer les gens par des promesses qui la plupart du temps ne sont pas tenues. Donc en islam, on ne donne pas le jugement, le pouvoir à celui qui le demande. Comment répondre à une ambiguïté que certains apportent, à savoir que Yusuf alayhi salam a dit « Ij'alni ala khaza'in al-ard, inni hafidhun alim » Mets-moi dans les richesses de la terre, car je suis une personne digne de confiance et savante. À qui Yusuf alayhi salam a-t-il dit cette parole? Al-Aziz, au roi d'Égypte, il lui a dit « Désigne-moi comme étant responsable des ressources de la terre ». Autrement dit, c'est l'équivalent à notre époque du ministre des Finances. Du ministre des Finances. Comment répondre à cette ambiguïté? Yusuf alayhi salam lui a demandé. Pourquoi vous dites-vous qu'il est interdit de demander? C'est un cas particulier. Alors. Pourquoi c'est un cas particulier? Lui savait qu'il avait les compétences et que ça le bien qu'il prenne ce poste. Non. Ahsan, il y a une des réponses que les savants ont données, à savoir que Yusuf alayhi salam savait qu'il avait ses compétences et que à son époque, c'était lui qui méritait le plus d'avoir ce poste. Et comment cela ne peut-il pas être vrai alors que c'est un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et lorsqu'une personne est un envoyé, un prophète dans son peuple, c'est la meilleure des personnes à son époque. C'est la meilleure des personnes à son époque. Et la seconde réponse qu'ont donné les savants, c'est que Yusuf alayhi salam n'était pas connu. C'était un inconnu. Et c'était un inconnu qui était un envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il a dit cela pour se faire connaître auprès du roi. Et l'autre réponse, la troisième réponse que les savants ont donnée, c'est de lire ce qui précède ce verset. Dans ce qui précède ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit « وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنِّي قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ قَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي » Le roi, c'est-à-dire le roi d'Égypte, a dit « Amenez-le-moi, أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي » pour que je le garde pour moi, c'est-à-dire que je profite de son expérience. Pourquoi? Quelle expérience? L'interprétation des rêves. فَلَمَّا كَلَّمَهُ Et lorsque le roi a parlé et a eu la discussion avec Yusuf alayhi salam, قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ Tu es, à partir d'aujourd'hui, pour nous, une personne qui a du mérite et qui est digne de confiance. Et les savants ont dit que lorsque le Malik Al-Aziz a dit cela à Yusuf alayhi salam, c'est-à-dire qu'il l'a considéré et qu'il l'a désigné comme faisant partie des personnes qui ont un pouvoir dans son royaume. Car il a dit « Tu es à partir d'aujourd'hui pour nous quelqu'un qui a du mérite, quelqu'un qui a une place, makin et amin, et qui est digne de confiance. » Et lorsque Al-Malik lui a fait cette proposition, c'est-à-dire qu'il a accepté le fait que Yusuf alayhi salam pourrait avoir un poste à responsabilité dans le royaume de Al-Aziz, c'est là où il a dit « Ij'alni ala khaza'in al-ard » juste après « Désigne-moi dans les richesses de la terre, car je suis quelqu'un digne de confiance et qui a de la science. » Donc ici, est-ce que c'est Youssouf alayhi salam qui est venu se présenter et exposer sa demande à Al-Aziz, ou est-ce que c'est Al-Aziz qui lui a dit de venir et après avoir discuté avec lui, avoir décidé qu'il allait avoir un poste et que Youssouf alayhi salam lui a conseillé et lui a dit, et lui a exposé le fait ou le poste dans lequel il se sentirait le mieux. Et c'est ce qu'il a fait, alayhi salam. Donc, dans ce verset, il n'y a pas la preuve qu'il est autorisé dans tous les cas de se présenter et de demander un poste. Mais cela est restreint à une personne qui est dans le même cas de Youssouf, alayhi salam, lorsque tu sais qu'il n'y a personne d'autre et que si tu ne le fais pas, c'est une personne qui sera mille fois pire que toi qui le fera. Alors dans ce cas, demande aux savants, demande leur avis et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de prendre ce verset comme une règle en or, à savoir qu'il est autorisé à quiconque de demander quelque poste que ce soit, cela n'est pas vrai. Mata yastawjibu ar-rajulu al-qada. Quand est-ce qu'un homme a le droit d'être un juge. قال الحافظ رحمه الله في الفتح قال أبو علي الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب آداب القضاء لا أعلم بين العلماء ممن سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه قارئا لكتاب الله عالما بأكثر أحكامه عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظا لأكثرها وكذا أقوال الصحابة عالما بالوفاق والخلاف وأقوال فقهاء التابعين يعرف الصحيح من السقيم يتبع في النوازل الكتاب فإن لم يجد فالسنن فإن لم يجد عمل بما اتفق عليه الصحابة فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقرآن ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة عمل به ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لهم مع فضل وورع ويكون حافظا للسانه وبطنه وفرجه فهما بكلام الخصوم ثم لا بد أن يكون عاقلا مائلا عن الهوى ثم قال وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. Donc Al-Hafidh ibn Hajar رحمه الله cite dans son livre Fath al-Bari une parole de Abu Ali al-Karabisi qui était un proche de l'imam Shafi'i radiyallahu rahimahullah. Dans son livre « Adab al-Qadha », donc un livre de Al-Karabisi qu'il a intitulé « Les comportements ou les règles du jugement ». Il a dit « Je ne connais pas entre les savants de divergence, à savoir que la personne qui mérite le plus d'être le juge est » une personne dont les mérites sont connus, ainsi que sa sincérité, sa véracité, sa science et son ascétisme. Une personne qui a étudié le livre d'Allah et qui connaît le plus grand nombre de ses jugements, qui est savant des sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui connaît par cœur la plupart d'entre elles, et également pour les paroles des compagnons, c'est-à-dire qu'il doit connaître la plupart des paroles des compagnons. Il doit être savant des choses sur lesquelles les savants sont d'accord et divergent. Il doit connaître le véridique du faible, c'est-à-dire de toutes ses paroles et de tous ses hadiths, il doit savoir ceux qui sont authentiques et ceux qui ne le sont pas. Dans des catastrophes, il doit suivre le livre d'Allah. Et s'il ne trouve pas, alors dans les sunan. Et s'il ne trouve pas, alors il met en pratique ce dont les compagnons se sont mis d'accord. Et si ils étaient dit, et s'ils ont divergé, c'est-à-dire les compagnons, alors il doit rechercher ce qui ressemble le plus au Coran, puis à la Sunna. Puis il doit mettre en pratique les fatawa des plus grands des compagnons. Et il doit, c'est-à-dire ce juge, faire partie des gens qui ont beaucoup d'échanges avec les savants. C'est-à-dire qu'il doit être en contact avec les savants et leur poser des questions, etc. وَالْمُشَاوَرَةِ لَهُمْ et de consulter les savants. مَعَ فَضْلٍ وَوَرَعَ tout ceci en respectant ces savants et en faisant preuve de modestie. Il doit préserver sa langue, son ventre et son organe génital. Il doit préserver sa langue du mensonge, de la médisance, etc., etc. Il doit protéger et épargner son ventre de manger du haram et que ce soit des choses interdites à la consommation ou des choses qui ont été achetées avec de l'argent interdit. Autrement dit, on peut comprendre aussi de cette parole qu'il ne doit pas prendre les pots de vin. Et il ne doit pas, et il doit préserver aussi son organe génital, c'est-à-dire qu'il ne doit pas forniquer ni commettre l'adultère, car c'est un juge, et un juge applique les sentences concernant la fornication et l'adultère. Puis, Al-Karab ici dit, et nous savons pertinemment que personne sur terre ne peut réunir toutes ces caractéristiques. Mais ce qui est obligatoire de prendre en compte, c'est de choisir en fonction des époques les personnes qui sont les plus complètes et qui ont le plus de mérite. Donc les juges doivent être des personnes qui ont le plus de science, qui ont le plus de mérite et qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. لا يلي القضاء النساء. Les juges ou le jugement ne peut être donné à une femme. عن أبي بكر قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة حديث صحيح رواه البخاري والترمذي والنسائي. On ne donne pas le jugement, c'est-à-dire on ne désigne pas comme juge une femme. Selon Abu Bakr, il dit, Allah Azza wa Jal m'a comblé de bienfaits par une parole que j'ai entendue le jour de l'Jamal, le jour du chameau, ou Ayyam al-Jamal, les jours du chameau. Et il fait référence ici à la bataille du chameau, qui a eu lieu après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque il a été informé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Faris, c'est-à-dire les Perses, ont désigné comme reine la fille de Kisra. Kisra qui était le roi perse, et lorsqu'il est mort, ils ont désigner sa fille comme étant la reine de ce royaume. Et le prophète sallam a dit « «Lan yufliha qawm» » Un peuple ne connaîtra jamais la réussite lorsqu'il désigne à leur tête une femme. Un peuple qui désigne à sa tête une femme ne connaîtra jamais la réussite. Hadith rapporté par Al-Bukhari et autres. « «Adabul qadi» » Les règles et les comportements concernant le juge. يجب على القاضي أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه. عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدي إليك فإنه لا ينفع تكلم فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاد له واس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك ولا يطمع شريف في حيفك. Il est obligatoire pour le juge d'être juste entre les deux parties. Entre les deux parties qui viennent se plaindre. Car la plupart du temps, il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. Il y a le plaignant et le coupable qui sont exposés au juge. Et il doit être juste entre les deux parties. Fi lahdhihi, c'est-à-dire dans son regard. Il ne doit pas regarder une partie de façon méprisante et regarder l'autre partie de façon complaisante. Walafdihi, et pareil dans ses paroles, il doit parler aux deux parties de la même façon. Wamajlisihi, également dans l'endroit où il s'assied. Waddukhuli alayhi, et lorsqu'ils entrent dans son bureau, il doit avoir la même réaction et accueillir les deux parties de la même façon. عن أبي المليح الهذلي الجي عمر بن الخطاب رضي الله عنه a écrit à Abu Musa al-Ash'ari en lui disant: le jugement est une obligation muhkama, recommandée, wa sunnatun muttaba'a, et c'est également une sunna qui est suivie. Fafham ida uddiya ilayk, comprends lorsqu'on t'apporte un cas, c'est-à-dire lorsque des personnes viennent se plaindre à toi, tu dois comprendre le sujet et comprendre les deux parties. فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍ لَا نَفَدَ لَهُ, et il n'y a pas de bénéfice à dire une parole vraie sans la mettre en pratique. Autrement dit, c'est un conseil qui lui dirige en lui disant: lorsque tu sais la vérité et lorsque tu l'as dit, tu dois la mettre en pratique. وَاسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَعَدْلِكَ, et répands la paix entre les gens dans ton visage, dans ton assise et dans ta justice. C'est-à-dire que les gens doivent sentir une certaine sérénité, une certaine paix, et ceci les deux parties, lorsqu'ils voient ton visage, lorsqu'il s'assied avec toi et lorsque tu juges par la vérité. وَلَا يَطْمَعُ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ, et qu'une personne de haut rang n'espère pas ton injustice. Et qu'une personne de haut rang n'espère pas ton injustice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois avoir une réputation d'une personne juste, quelles que soient les personnes concernées. Et les personnes de haut rang, les responsables, etc., ne doivent pas espérer de toi une injustice. C'est-à-dire que tu dois avoir cette réputation d'être juste, quelles que soient les personnes. Et les personnes de haut rang ne doivent pas dire de toi que... Bon, je vais essayer de me plaindre à lui parce que j'ai entendu que quand on est bien placé, etc., il est un peu plus complaisant et au lieu de donner une peine stricte, il donne une peine plus souple. Non, un juge doit appliquer la vérité et doit dire la vérité et l'ordonner pour qu'elle soit mise en pratique. وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْدُ الرِّشْوَةِ وَالْهَدِيَّةِ. Puis l'auteur parle du chapitre de l'interdiction pour le juge de prendre des pots de vin et des cadeaux. An Abdillah ibn Amr qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'natullah 'ala ar-rashi wal-murtashi. لعنة الله على الراشي والمرتشي حديث صحيح رواه ابن ماجه selon Abdullah ibn Amr il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur celui qui donne le pot de vin et sur celui qui le prend. Hadith authentique apporté par Ibn Majah. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la malédiction d'Allah soit sur celui qui donne le pot de vin et celui qui le prend. C'est une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il demande à Allah de maudire celui qui donne le pot de vin et celui qui le prend. Et Rishwa, en langue arabe, donc sans parler du sens religieux, en langue arabe, c'est le fait de donner quelque chose pour arriver à son but. Et c'est un mot aussi qui désigne le sceau. Le sceau qu'on utilise pour prendre l'eau du puits. Car on utilise le sceau pour arriver au but qui est de prendre l'eau. Donc le sens littéraire, c'est le fait de donner de l'argent ou de donner quelque chose pour avoir et pour atteindre son but. Et la définition de la rishwa en islam, c'est le fait de donner de l'argent ou un bien pour faire un mal ou pour abolir un vrai, ou pour abolir un droit. Pour faire un mal ou pour abolir un droit. C'est la définition de rishwa. Et celui qui donne un pot de vin pour abolir un bien, ou pour faire un mal, alors à la fois celui qui donne et celui qui prend sont maudits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un cas dans lequel c'est uniquement celui qui prend qui est maudit et non celui qui donne. Et ce cas intervient lorsqu'une personne donne de l'argent pour une chose qui est bien, pour un haqq. Par exemple, tu as le droit d'entrer dans un pays. Tu as fait les démarches de visa, tu as obtenu le visa, tu te rends dans ce pays, arrivé à la douane, le douanier te dit non, tu ne rentres pas. Est-ce que c'est ton droit d'entrer? Oui. Tu n'as pas fait de mal. Ce n'est pas un faux visa, ce n'est pas un faux passeport, c'est bien toi. Le tampon est un tampon qui émane du consulat, etc. Tu es en total, tu es dans les règles. Et ce douanier te dit, soit tu me donnes 200 euros, ou soit tu retournes chez toi. Je peux très bien dire que ce passeport c'est un faux, et de toute façon, ma parole contre la tienne, ce sera la mienne. Donc soit tu me donnes 200 euros, ou soit tu retournes chez toi. Ici, tu as le droit de donner les 200 euros. Pourquoi? Car tu as donné l'argent pour un bien. Et dans ce cas, c'est celui qui a pris qui est maudit et non celui qui a donné. Dans ce cas, c'est celui qui a pris l'argent, c'est-à-dire ce douanier, qui sera maudit et non celui qui a donné. Et c'est la règle, parce que beaucoup posent des questions sur les choix. Est-ce que c'est un pot de vin? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? La règle, c'est ça. Si tu donnes de l'argent pour quelque chose qui est bien et ton droit, sans ruse, sans détournement, sans mensonge, etc., et que ce que tu veux faire, tu as le droit de le faire et c'est ton droit de le faire, et que de l'autre côté on te demande une contrepartie, alors dans ce cas tu as le droit de la donner et le péché reviendra à l'autre. Par contre, si ce que tu fais n'est pas légal, si ce que tu fais n'est pas en règle, si ce que tu fais n'est pas accepté, et que tu donnes de l'argent pour que cette chose soit acceptée, ou pour esquiver un impôt par exemple ou autre, dans ce cas, tu n'as pas le droit de donner cet argent. Et si tu le fais, alors à la fois toi et celui à qui tu as donné, vous êtes maudit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah et par le prophète, on peut dire les deux. Parce que le professeur sallam, il y a des compagnons, on dit justement dans ce hadith, il y a d'autres versions, la'ana rasulullah sallam ar-rashi wal-murtashi. Il y a l'autre version qui dit que le professeur sallam a maudit celui qui donne le pot de vin et celui qui le prend. Mais à l'école, la malédiction, ça signifie le fait de s'éloigner, d'être éloigné et d'être privé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la définition de la malédiction. Donc on peut dire tu es maudit par le professeur sallallahu alayhi wa sallam ou tu as la malédiction d'Allah. Les deux sont possibles. Est-ce que le piston c'est considéré dedans ou pas? Parce que tu vas à un appartement, toi, tu connais super bien le maire, mais il y a 50 personnes qui attendent derrière toi et tu fais passer ton... ça rentre dedans ou pas? Mais ça rentre dedans parce que là tu as aboli les droits des autres. Les autres ont déposé leur dossier, comme tout le monde. Sachant que tu ne donnes pas d'argent, juste le fait que tu connaisses mieux que les autres. Allah alam, l'aide. Allah alam. وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول هدايا العمال غلول وهو حديث صحيح رواه البيهقي وأحمد في مسنده. Et selon Abi Humayd al-Sa'idi, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc dans le premier hadith, il y a la preuve qu'il est interdit de donner un pot de vin. Et pourquoi l'auteur a cité ce hadith? Car les personnes les plus concernées sont, et les plus convoitées sont, les juges. Donc le juge n'a pas le droit de prendre les pots de vin. Donc ça, la preuve, c'est le premier hadith. Mais l'auteur a dit qu'il est interdit au juge de prendre les pots de vin et de prendre des cadeaux. Donc là, c'est le second hadith qui prouve qu'il est interdit au juge de prendre des présents et d'accepter des cadeaux des gens. وعن أبي حميد الساعدي il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cadeaux ou les cadeaux des fonctionnaires sont considérés comme du rouloul. Qu'est-ce que le rouloul? De prendre le butin sans le partager. De prendre le butin sans le partager fait partie des grands péchés en islam. Lorsque les musulmans gagnent une guerre ou une bataille, ils doivent réunir les butins et le partager entre eux. Tu n'as pas le droit de prendre un butin et de le garder pour toi. Non. Il doit être soumis au partage. Non. Et dans le but, la personne qui commerce entre la France et son pays d'origine, par exemple, et ramène une marchandise dans son pays, et à la voie, on lui demande de payer. Non, là c'est pareil, le fait d'être commerçant, de faire de l'import-export et d'être amené à envoyer de la marchandise dans un pays, tout dépend de cette marchandise. Est-ce que c'est une marchandise qui est soumise à des taxes ou pas? Si c'est une marchandise qui est soumise à des taxes, tu dois payer des taxes. Si c'est une marchandise qui n'est pas soumise à des taxes et que le douanier, parce que il veut se faire de l'argent, te demande de l'argent, en mentant par exemple, en disant non, il y a des taxes et tout, alors que toi tu sais pertinemment que pour ce genre de marchandises il n'y en a pas, et que tu as fait ta recherche au préalable, tu sais qu'il n'y a pas de taxes pour cette marchandise, donc tu as le droit de lui donner, et c'est lui qui aura le péché. Par contre, si cette marchandise est soumise à des taxes, alors là tu dois payer la taxe. Car si tu donnes de l'argent à ce douanier, tu as alors aboli un droit qui est de payer la taxe, qui est le droit aîné de l'État dans lequel tu entres, qui impose que pour telle et telle marchandise, il y a une taxe de douane. Allahu a'lam. Donc, le fait de donner un cadeau à un fonctionnaire, et un fonctionnaire, on avait déjà vu ce hadith, c'est une personne qui travaille pour l'État et qui a un salaire en retour. Qui a un salaire en retour. Et ce hadith, on l'avait vu dans le cadre de la zakat, à savoir que les gens qui travaillent dans la zakat, « wal-amilina alayha » n'ont pas le droit de percevoir des cadeaux, car un homme est venu au professeur sallam et il travaillait pour la zakat, c'est-à-dire qu'il avait pour charge de récupérer la zakat de ceux qui devaient la donner, que ce soit la zakat de l'argent ou la zakat de l'agriculture, des récoltes, il est venu et a dit au professeur sallam, voilà, cela est pour vous et cela m'a été donné en cadeau. Cela est pour vous et cela m'a été donné en cadeau. Et le professeur sallam s'est énervé, il a rougi, il est monté sur un minbar et a dit, que pensez-vous de peuple que nous envoyons récupérer la zakat et ils reviennent en disant ceci est pour vous et ceci m'a été donné en cadeau. Puis le professeur Hassan m'a dit que ces personnes restent alors dans les maisons de leur père et de leur mère et ils verront si ces cadeaux leur seront donnés. Et le professeur Hassan a ensuite dit que par Allah, celui qui prend des cadeaux, si c'est un, il le portera le jour du jugement sur son épaule. Si c'est un chameau, alors il criera. Si c'est une vache, alors elle bêlera. Et si c'est une chèvre, alors elle fera son cri. À Koulihal, le professeur Sam a voulu dire qu'il portera ce qui lui a été donné en cadeau et que cet animal ne restera pas tranquille. C'est-à-dire que sur son dos, il sera agité et il poussera des cris. Et ceci sera un de ses châtiments, ce ne sera pas tous ses châtiments, mais un de ses châtiments à celui qui prend des cadeaux alors que c'est un fonctionnaire, c'est-à-dire qu'on le paye pour son travail, donc il ne doit pas avoir de cadeaux. Et entre dans cette catégorie le juge. Le juge, car un juge qui accepte des cadeaux, ou une personne en général à qui on fait un cadeau, cette personne, de façon presque innée, va ressentir de la compassion envers celui qui lui a offert. Et son jugement ne pourra pas être juste. Et ne pourra pas être juste à 100%, même si, de façon générale, il pourrait paraître juste, mais le fait qu'il ait reçu un cadeau de cette personne va obligatoirement influencer dans son jugement. Illa man rahim Allah. نعم ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك